Bonjour, vous auriez un plan de la ville? Oui, voilà. J'aurais voulu savoir ce qu'il y a à faire à Rochefort et dans les environs. Je suis là pour 4 jours. Alors, d'abord, à Rochefort même, vous avez les Corderies royales. Alors, on est ici, vous descendez et c'est situé ici. Ah, ce n'est pas loin. Non, non, non, c'est à 5 minutes. Vous sortez de l'office, vous prenez à gauche et vous arriverez à l'entrée du parc. Vous ne pourrez pas les manquer. Vous avez également le musée national de la marine qui est situé juste là. La visite de Rochefort aussi vaut la peine. Il y a la place où a été tourné le film des Demoiselles de Rochefort. Et sinon, si vous avez une voiture, vous avez le pont transbordeur. Vous pouvez embarquer à bord de la nacelle. C'est assez sympa. C'est le dernier pont transbordeur de France. Et les villes ou les plages à proximité? Alors, vous avez Fouras pour la baignade. C'est très bien. Et pour le tourisme culturel, vous avez La Rochelle. C'est loin de Rochefort? Non, c'est à 30 minutes en voiture. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée, madame. Bonne journée, au revoir.